Le temps nous laisse un vague souvenir. Un goût amer de la mort, je vois pas les souvenirs. Seulement l'amertume et les remords, remarque. Moi et mes gants se démarquent pour laisser une trace dans l'histoire. Chérie, tu me laisseras une place dans l'histoire. Ça me saoule, l'alcool et la connerie. Je dissous les artifices pour me créer une bonne vie. Tu sais, si je parle tant de moi, c'est pas pour me plaindre, c'est pour que tu t'y retrouves. J'ai mis du temps à vous peindre, j'ai mis des années, j'y ai laissé mon bonheur. Je sais que je partirai un jour, mais pas à la bonne heure. Le temps vieillit le souvenir. On pense au passé, pas assez au présent et peut-être trop à l'avenir. Chaque fois on me demande pourquoi tu es standard. Parce que la vie me fait mal et que le rap est mon étendard. Il est standard, borré le signe du malaise avant qu'il soit trop tard. Avant que les six tirent malaise, tirent malaise, tirent malaise, tirent malaise, tirent malaise. Si je parle tant de moi, c'est pas pour me plaindre, c'est pour que tu t'y retrouves. J'ai mis du temps, j'ai mis du pain, j'ai mis du pain, j'ai mis du pain, j'ai mis du pain. Tu sais, si je parle tant de moi, c'est pas pour me plaindre, c'est pour que tu t'y retrouves. Le temps nous laisse un vague souvenir, des laps de bonheur éphémère. Comme quand je demandais raconte-moi un conte éphémère et on fait merde. Putain ça passe vite, je me rappelle encore hier. Quand je faisais tout pour que le mal m'évite, on se ferait un chemin parmi les requins, ça m'effraie. Je referais pas les mêmes refrains, refrais. Tu sais, si je parle tant de moi, c'est pas pour me plaindre, c'est pour que tu t'y retrouves. J'ai mis du temps à vous peindre et l'euphorie se moque de moi et de mon euphorie. Mais je les foque, le mal est mûr, l'homme en est le fruit. Je m'enfuis, cette fille, je m'en fais pas, je m'en fous. On dit qu'est-ce que c'est fou, s'en faut pas, ma vue se floue. En fait, entouré de faux, c'est comme ça que je survis. Entouré de gens qui comprennent pas qu'ici on est en sursis. C'est sûr, si on s'enferme, espérant tout refaire. Si je pouvais vivre 11 vies, je vivrais 11 enfers. 11 enfers, 11 enfers, 11 enfers. SX, on se ferait un chemin parmi les requins, ça m'effraie. Je referais pas les mêmes refrains, refrais, refrais, refrais, refrais. SX, tu sais, on se ferait un chemin parmi les requins, ça m'effraie. Je referais pas les mêmes refrains, les mêmes refrains. C'est sûr, si on s'enferme, espérant tout refaire. Si je pouvais vivre 11 vies, je vivrais 11 enfers. J'ai déjà pris une vie ferme, c'est notre affaire à tous. Et si je suffoque dans mon rap, c'est que j'ai plus la forme, tu sais. Je parle tant de moi, mais j'ai plus rien à dire. Je fais au moins 10 morceaux dans le mois. Chaque fois on me demande pourquoi tu es tendard. Parce que la vie me fait mal et que le rap est mon étendard. On dirait qu'on a rien à perdre, à se faire mal. Ça te fait rire, moi aussi, putain c'est normal. Alors on se ferait un chemin parmi les requins. Et si je pars demain, il n'en manquera qu'un. Tu sais, si je parle tant de moi, c'est pas pour me plaindre, c'est pour que tu t'y retrouves. J'ai mis du temps, j'ai mis du temps, j'ai mis du temps, j'ai mis du temps, j'ai mis du temps, j'ai mis du temps. On se ferait un chemin parmi les requins, ça m'effraie. Je referais pas les mêmes refrains, refrains, refrains, refrains, refrains, refrains. C'est sûr, si on s'enferme, espérant tout refaire. Si je pouvais vivre 11 vies, je vivrais 11 enfers, 11 enfers, 11 enfers, 11 enfers, 11 enfers, 11 enfers. Chaque fois on me demande pourquoi tu es tendard. Parce que la vie me fait mal et que le rap est mon étendard, mon étendard, mon étendard, mon étendard, mon étendard, mon étendard.